Le mariage de Figaro, que Beaumarchais fit jouer pour la première fois en 1784, donc 5 ans avant la Révolution française, est la suite du Barbier de Séville que j'ai enregistré dans un autre dossier. Grâce à Figaro, notamment, nous avons vu dans le Barbier de Séville que le comte Almaviva a pu épouser Rosine malgré toutes les précautions inutiles de son vieux tuteur, le docteur Bartolo. L'action du mariage de Figaro se déroule 3 ans après le Barbier de Séville, dans le château d'Aguas Frescas, propriété du comte Almaviva, à 3 lieues de Séville. Le matin de leurs noces, Figaro, désormais valet de chambre du comte et concierge de son château, s'entretient avec sa fiancée Suzanne, première camériste, c'est-à-dire chambrière, de Rosine, désormais presque toujours appelée par son titre, la comtesse.